Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 3 du troisième traité, second paragraphe, Justice de Marie. Notre imagination a coutume de se représenter la justice sous l'aspect sévère d'une force qui punit le mal, et cette idée ne s'accorde guère avec celle que tous les fidèles se font de Marie. Nous ne voulons voir en celle-ci qu'une mère pleine de bonté et de douceur, nous aimons à ne considérer que ses entrailles de miséricorde. La justice divine nous effraie, et pour nous y soustraire nous nous réfugions dans le sein de cette tendre mère, si en elle aussi nous rencontrons l'inflexible justice. Où chercherons-nous un asile? Voilà comment nous sommes portés à raisonner, mais à tort, la justice est aussi aimable que la miséricorde, il suffit, pour s'en convaincre, de se faire une idée exacte de ce qu'elle est, spécialement Marie. N'allez pas vous figurer dans la Sainte Vierge la justice vindicative, dont l'office est de poursuivre et de punir les crimes. Si Marie exerce ou non cette justice, je l'ignore, aussi n'en parlerai-je pas, mais à coup sûr la justice ne consiste pas seulement à réprimer le mal. Le mot justice se prend dans deux significations différentes. Premièrement, il exprime l'assemblage de toutes les vertus. Un homme juste, en ce sens, n'est autre chose qu'un homme saint, un homme parfait. En second lieu, le terme de justice désigne en particulier une des quatre vertus cardinales, c'est une habitude résidant dans la volonté qui la fait incliner constamment à rendre à chacun ce qui lui appartient. La justice étant prise dans le premier sens, on ne peut révoquer en doute que Marie ne l'ait possédée à un degré éminent. Elle qui renfermait tout ce qui constitue la véritable perfection et la sainteté, comme le dit sagement le docteur angélique, saint Thomas d'Aquin, super sententiis, liber 4. En elle se sont rencontrées toutes les vertus qui rendent une créature parfaite et sainte. Mais ce n'est pas de cette justice que nous parlons, nous la prenons dans le second sens, et nous demandons si cette vertu se trouve en Marie. Mais comment en douter? Sa volonté était constamment disposée à rapporter toute gloire à Dieu pour les grâces qu'elle en avait reçues. Vous voyez en effet que quand sainte Élisabeth la félicita, en l'appelant bienheureuse entre toutes les femmes, du bonheur qu'elle avait eu de concevoir le Messie tant désiré, Marie ne désavoua pas cette insigne faveur. Mais aussitôt elle porta son esprit à louer Dieu qui avait daigné opérer en elle de si grandes choses. « Mon âme glorifie le Seigneur » Luc 1, 46. « Car celui qui est tout-puissant a fait pour moi de grandes choses » Luc 1, 49. « Ô Élisabeth, semble-t-elle dire, vous m'élevez en m'appelant heureuse, mais je reconnais que tout bien vient de Dieu. » C'est à lui seul que je l'attribue, je rends à Dieu ce qui lui appartient. Ce qu'elle fit en cette circonstance, elle ne manqua pas de le faire dans toutes les autres. Toujours elle s'empressa de rapporter à Dieu ce qu'elle savait avoir reçu de Dieu. Et à l'égard des hommes, Marie ne se comporta pas avec moins de justice, honorant, autant qu'elle le pouvait, ses parents et ses proches. Marie blessa-t-elle jamais ses parents par un simple regard? Dit saint Ambroise, refusa-t-elle jamais de se prêter au juste désir de ses proches? Non assurément, elle avait appris à ne jamais offenser personne, mais à vouloir au contraire du bien à tous. Saint Ambroise liber 2 de Virginibus numéro 7. À l'imitation de son divin fils, elle s'acquitta de ses devoirs en toute justice, et elle le fait encore maintenant, en distribuant avec fidélité les dons et les grâces dont elle a été constituée la dispensatrice par la divine providence. que s'il en est ainsi, ô mari, je n'ai pas raison de craindre que vous puissiez jamais me renvoyer sans consolation, quand je viens solliciter quelque grâce. Vous en êtes la dispensatrice, Dieu n'a placé dans vos mains les célestes trésors qu'afin que vous les distribuiez fidèlement à ceux qui ont recours à vous. Vous êtes juste, vous ne sauriez donc frauder ni les intentions de Dieu, ni les pauvres suppliants. Ah, Marie, que votre justice m'est chère, qu'elle me paraît aimable. Ce qui est justice de votre part se trouve changé en un acte de miséricorde à mon égard. Je n'ai rien à craindre de votre justice, j'ai tout à espérer. Enseignez-moi, ô ma bonne mère, ce que je dois faire, pour ne pas me rendre indigne de vos grâces. Ah, je vous entends, je devrais moi aussi être juste, en rendant gloire à Dieu de tout bien. Je devrais être juste envers mon prochain, en m'acquittant à son égard des obligations que Dieu m'impose. Mais hélas, que je me trouve infidèle, que puis-je faire? J'ai recours à vous pour obtenir la justice. Donnez-moi la grâce d'un parfait amendement, et ensuite vous me donnerez les autres grâces que vous m'avez tenues préparées jusqu'à ce jour. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.